Il casse le monde un petit morceau. Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau perreau. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière, et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer. Ça t'a un peu de sang. Je l'aime, je l'aime. La planche usée de mon lit, la paillasse et le chalis, la poussière de soleil. J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent retrouver la vie du monde et retrouver la couleur. J'aime ces de longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir. C'est ma fête et je suis fier. Je l'aime, je l'aime. Ce panier rempli de sang, où je vais poser ma tête. Ah, oh, je l'aime pour de bon. Il suffit que j'aime un petit brin d'herbe bleue, une goutte de rose, un amour d'oiseau perreau. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez, mon cœur, mon cœur. Thank you.